On le tabille chez Krupp, chapitre 15. Une nuit dans l'enfer. 3 jours se sont écoulés depuis les derniers événements. Il est minuit. La prodigieuse forge travaille comme en plein midi. Par quelle habitude, par quelle rapide éducation des sens, les êtres humains peuvent-ils dormir au centre du retentissement formidable de ce labeur de géant? Pourtant, dans ces casernes immenses d'ouvriers et prisonniers nommés Arbeiterheim, les équipes de jour reposent, épuisées. Il est probable toutefois que Rouletabille et la Candeur disposent encore de quelques forces de réserve, car au lieu de remonter dans leur dortoir à l'heure exigée par les règlements, ils s'attardent à bavarder dans un coin désert de la cantine où de solides pourboires glissés dans la main du Feldwebel et une importante rémunération accordée à la mère Klubfel leur assurent, pour quelques heures, une sécurité à peu près absolue. La cantine Klubfel ne ferme ni le jour ni la nuit depuis la guerre, à cause du mouvement jamais interrompu des travailleurs qui partent pour les ateliers ou qui en reviennent. À l'ordinaire, il faut voir avec quel entrain Fraulein Emma et Fraulein Ida servent les mosts de Munich, les délicatessens et le pain. Aux ouvriers et aux soldats qui viennent s'asseoir aux tables longues et poisseuses de la grande salle. Cette grande salle donne sur plusieurs autres petites pièces qui sont réservées aux sous-officiers, à la famille Klubfel ou à certains soupers particuliers. L'une d'elles a été louée par les prisonniers français qui travaillent dans l'usine. C'est dans celle-ci que nous trouvons Rouletabille et son compagnon en face des reliefs d'un souper qui fait encore faire la grimace à la Candeur. Rouletabille a laissé la porte de communication entrouverte et, de sa place, il assiste à tout ce qui se passe dans la grande salle. Celle-ci se vide peu à peu. Les clients se plaignent de la subite disparition de Fraulein Ida et de Fraulein Emma. La mère Klubfel, qui ne tient plus de fatigue sur ses vieilles jambes, leur a répondu que ses filles, exténuées, étaient montées se coucher. Mais la porte obstinément close de certains cabinets particuliers, et la présence de 2 capotes et de 2 casquettes rouges de pompiers, suspendues près de cette porte, à 2 pas de terre, ont suffi pour exciter certaines imaginations un peu échauffées par la Munich. Fraulein Emma et Fraulein Ida, s'il fallait encore certains clients attardés, était en train de souper avec les propriétaires des dites casquettes rouges et des dites capotes de pompiers. Quelqu'un a même ajouté que si les fiancés de ces demoiselles, qui travaillaient à 7 heures à la fonderie, pouvaient se douter de ce qui se passait, ils n'en concevraient aucune satisfaction. À quoi un habitué qui paraissait au courant des choses répliqua que messieurs les fiancés n'auraient garde d'en vouloir ces 2 jeunesses d'amasser une honorable dot. Cette dernière réflexion sembla mettre tout le monde d'accord. Les derniers clients gagnèrent la porte qui donnait sur la cour de l'Arbeiterheim. Rouletabille ne laissait échapper aucun de ses mouvements, cependant que la Candeur gémissait dans son gilet. « Et dire que j'ignore encore ce que nous sommes venus faire ici. Je ne sais pas ce que tu manigances, mais ils sont ici 300 000. Qu'est-ce que tu veux que nous fassions à 2 contre 300 000 ?»« Nous ne sommes pas 2, » fit brusquement Rouletabille à voix basse. « Nous sommes 3. »« 3 ?» Où donc il est ton 3e ? » Rouletabille, après un coup d'œil jeté sur la salle voisine, se pencha à l'oreille de la Candeur et lui dit « Vladimir est là. » L'autre sursauta. « Non ? Où donc il est ? En ville, à l'Essenerhof. » « Bonsoir, de bonsoir, de bonsoir, c'est-il bien possible ? Et qu'est-ce qu'il y fait à l'Essenerhof ? » ?»« Il attend mes ordres. »« Eh ben, il peut attendre longtemps. » »« Ils lui sont déjà parvenus. » La Candeur considéra un instant Rouletabille avec admiration. « Tu les lui as envoyés par la poste, lui demanda-t-il dans une certaine ironie ?»« Exactement. »« Ah bah, et t'as répondu ?»« Il m'a répondu. »« Ça, c'est plus fort que du jour bouchon. Comment faites-vous »« Eh ben, nous prenons du papier, une plume et de l'encre, parbleu, comme tout le monde, plus une certaine petite grille qui nous permet de découper dans une lettre d'une banalité courante les mots qui correspondent plus particulièrement à nos préoccupations personnelles. »« Compris, la grille. » Mais ce que je ne comprends pas, c'est que vous puissiez correspondre. C'est pourtant bien simple. Tu penses bien que, depuis 4 jours que je fais à peu près ce que je veux dans les bureaux particuliers de Richter, je n'ai pas passé uniquement mon temps à tracer des dessins de machines à coudre. Et rien ne m'a été plus facile que de glisser dans le stock de la correspondance de l'ingénieur, avant qu'on ne vienne la chercher, à heure fixe, pour la porter à la poste, une enveloppe qui ne se distingue en rien des autres et qui est revêtue du timbre du commando. Voilà donc un objet sacré qui ne saurait s'égarer et qui est remis religieusement entre les mains de Nelpas Pacha, représentant des intérêts turcs. auprès de la maison Krupp, domicilié momentanément à l'Essener Hof. Qui est ce Nelpas Pacha ? Eh, Balot, c'est Vladimir. C'est un nom que la princesse Votosani lui avait trouvé comme par hasard avant de quitter Paris pour se rendre, en son agréable compagnie, sur les bords enchantés du Phosphore. Et qui donc est cette princesse Votosani ? Je te raconterai cela dans quelques années, ce serait trop long aujourd'hui. Suis bien le mouvement. Vladimir me répond en écrivant à Richter, avec lequel il est entré en relation d'affaires sur les ordres que je lui ai envoyés dans ma première lettre. Je fouille, trifouille à loisir le courrier de Richter. L'enveloppe de Vladimir a une petite marque. J'ouvre, si la chose n'est pas déjà faite, et je confisque la lettre ou je la laisse traîner. Ça n'a pas d'importance. On peut lire notre prose, il n'y est question que de machines à coudre. Il faut avoir la grille pour y découvrir un autre sens. C'est tout simple, en effet, conclut la candeur, extasié. Mais il n'y a que toi pour trouver des choses pareilles. Mais dis-moi, raconte des choses intéressantes dans sa lettre, Vladimir. Tu penses, je sais par lui tout ce qui se passe à Essen, comme il sait par moi tout ce qui se passe à l'usine, ou à peu près. Oui, on doit bavarder, cher Richter. D'autant plus qu'on ne se doute pas que je suis toujours là pour écouter. Et puis Richter a confiance en moi. Je vais t'apprendre une chose qui te réjouira certainement. Je viens de signer avec lui un contrat d'association pour une affaire magnifique. Je vais gagner beaucoup d'argent, la candeur. Je vais être riche. Comment ? Tu t'associes avec tes amis maintenant ? D'abord, Richter n'est pas ennemi. C'est un Suisse de Zurich. Et un charmant homme. Nous faisons déjà une paire d'amis. Il a été si content des premiers plans que je lui ai fournis qu'il m'a invité à son déjeuner de fiançailles. Pas possible. Il ne pouvait pas faire moins avec son associé. Et sais-tu où il le donne son déjeuner de fiançailles ? À l'usine ? Chez le général von Berg ? Pas du tout. À l'Esterhof, mon cher. Et tu as accepté ? Avec joie. Ce me sera une occasion, certainement, de bavarder un peu plus longuement avec notre ami Vladimir. Ah ben, vous en avez de la veine, vous autres. Et quand est-ce que je le verrai, moi, Vladimir ? Rouletabille se leva tout à coup, s'enfuit à la porte de la grande salle, en prenant soin de marcher sur la pointe des pieds et lança, à voix basse, à la candeur, « Tout de suite. Tu vas le voir tout de suite. »« Comment, à l'usine ?»« À l'usine. » Qu'est-ce qui va nous l'amener ? Si je te le disais, répliqua Rouletabille, avec un bon sourire, tu ne me croirais pas. Et maintenant, motus. On n'entendait plus que le ronflement de la mère Klopfel, écroulé sur le coin d'une table. Rouletabille pénétra dans la grande salle, se dirigea vers les patères où pendaient les deux capotes et les deux casquettes rouges des pompiers, s'empara de ses précieuses défroques, revint avec elle dans le cabinet, où l'attendait la candeur, et les jeta sur une table. Habille-toi. Et il s'habilla lui-même. L'uniforme semblait fait pour lui, la petite casquette rouge lui allait à ravir. Malheureusement, la taille de la candeur s'accommodait mal de ce nouveau vêtement. « T'as pas besoin de passer les manches, » lui souffla le reporter. « Écolle-toi la casquette sur le côté, c'est le grand chic. » Une minute plus tard, ils étaient dans la cour. La mère Klopfel ronflait toujours. « Où allons-nous ? » demanda la candeur. « Partout le service nous réclame, » répliqua Rouletabille. Et poussant devant lui la petite voiture du service de ronde qui est en usage chez les pompiers de l'usine, et qui semblait les attendre à la sortie de la cantine, ils passèrent sans encombre devant le poste qui se trouvait à l'entrée de la cour de l'Arbeitheim, réservée aux ouvriers étrangers et aux prisonniers français. Cette petite voiture avait un coffre dans lequel se trouvait tout ce qu'il fallait pour arrêter ou limiter les premiers progrès de l'incendie, piques, pioches et, dans un compartiment, des grenades extinctrices. Enfin, au-dessus de ce coffre se dressait une échelle légère double dont un mouvement mécanique à main pouvait augmenter le développement. Mon vieux, déclara Rouletabille à son compagnon, dès qu'ils se trouvèrent en pleine usine, je t'avouerai que je guignais cette échelle-là, les capotes et les casquettes, depuis l'avant-dernière nuit. Pour aller voir Vladimir, son anda à la candeur, qui, dans l'éruissement, le plongeait tous ces événements précipités et incompréhensibles, n'avait plus qu'une idée fixe, voir Vladimir. Sans doute pour aller voir Vladimir et quelques autres personnages, que l'on ne peut approcher que fort difficilement si l'on ne possède pas une échelle, une capote et une casquette de pompier. Il n'y a pas à dire, tu penses à tout. Mais ils venaient de sortir de l'ombre noire des hauts murs de l'Arbeitheim et ils s'arrêtèrent soudain devant un spectacle inouï. C'est beau l'enfer, soupira la candeur. Il ne s'était jamais trouvé dans l'usine la nuit. Il n'en avait entendu que le terrible vacarme qui ne s'éteint pas plus que le feu de ses creusets. Mais il fallait à leurs yeux le repousser des ténèbres pour embrasser d'un coup l'horrible splendeur de ce chaos en flammes. La moindre porte entr'ouverte sur le travail intérieur embrasé soudain la nuit d'un fulgurant brasier. Les panaches rouges des hautes cheminées se tordaient au-dessus de leur tête au milieu des tourbillons d'une fumée empestée, plus noire que le ciel. D'autres fulgurances, abattues par le vent, descendaient, se dispersaient en une pluie éternelle de feu et de cendres chaudes. Allons, souffla Rouletabille, du courage, la candeur. Et la candeur, docile et consternée, condamnée à tourner dans cette fournaise maudite, sans savoir quel crime l'a fait descendre dans la Guéhenne, répète. Allons, puisqu'il faut aller. Un point de repère semble guider Rouletabille dans cette nuit de flammes. Ce sont les hauts murs de la tour Octogone dont il a gravi, dernièrement, des degrés avec Richter. C'est la tour d'eau. Ils y arrivent sans encombre. Ils passent au milieu de toutes les ombres qui habitent les voies bordées de rugissantes forges, sans qu'on leur pose une question. À la tour d'eau, Rouletabille s'arrête un instant, s'oriente, attend que l'endroit soit devenu désert, puis se glisse, toujours poussant sa voiture et toujours suivi de la candeur, entre deux énormes bâtiments aux murs sans porte et qui ont entre eux comme une rivière d'ombre. Les jeunes gens sont tous noyés dans cette nuit protectrice et bientôt se trouvent en face de l'édifice que l'on a, avec intention, isolé autant que possible du grand labeur retentissant. C'est la maison où repose le directeur du laboratoire d'énergie, Hans, avec sa fille Elena et sa prisonnière Nicole. Rouletabille sait que la fenêtre de la chambre de Nicole est la dernière du coin à gauche, second étage. Il sait aussi que Nicole n'est jamais seule la nuit, et qu'une femme veille sans cesse sur elle. Il sait encore qu'il y a des barreaux à la fenêtre de Nicole. Alors, qu'espère-t-il? Pourquoi se rapproche-t-il soudain de ce mur? Pourquoi, hardiment et rapidement, déploie-t-il toute la longueur de son échelle et l'appuie-t-il au toit, comme si son devoir de soldat de feu l'appelait à aller constater que les superstructures du bâtiment ne courent aucun danger à la suite de la chute de quelques flamèches qu'il a pu apercevoir. Pourquoi? Parce qu'il veut voir Nicole, qu'il n'a pas revue depuis la scène terrible où elle a remis entre ses mains le droit de tuer. Non, Nicole n'est plus revenue avec Elena dans la salle de dessin de Richter, et c'est en vain que le reporter a attendu l'occasion de communiquer avec elle. Au moment où Rouletabille va mettre le pied sur l'échelle, la candeur lui dit « S'il y a quelqu'un, que dois-je faire ?»« Rien. Tu es à ton poste, je suis au mien. »« Si c'est un chat qui me parle, je ne pourrais lui répondre. »« Eh bien, tu ne lui répondras pas. »« Mais s'il insiste, assomme. » Et Rouletabille grimpe sur son échelle. Il passe devant la fenêtre qu'une veilleuse allumée toute la nuit éclaire doucement, et en passant, il regarde. Sur son lit, juste en face, contre le mur du fond, il voit Nicole, étendue, accoudée la tête dans une main, les yeux grands ouverts. L'insomnie poursuit la malheureuse fille. Elle semble perdue dans un rêve profond, et plus cruel peut-être que ceux qui la poursuivent jusque dans son sommeil. Cependant, elle a redressé la tête, et a dû apercevoir l'ombre de Rouletabille à la fenêtre, car voilà qu'elle se soulève doucement et qu'elle souffle, la veilleuse posée sur sa table de nuit. Et n'oublie pas qu'ils ont tout à redouter de la gardienne, sans doute endormie en ce moment, mais qui peut se réveiller tout à coup et jeter l'alarme. D'autre part, il lui semble entendre un murmure de voix de l'autre côté du mur, et il craint d'être surpris, immobile sur son échelle. Il gravit plusieurs échelons, les yeux toujours fixés sur la fenêtre, et voilà qu'à cette fenêtre, contre la vitre, vient se coller le visage de douleur et d'angoisse de Nicole, éclairé fantastiquement par les lueurs intermittentes qui déchirent un ciel d'encre. Rouletabille fait un signe à la jeune fille, redescend les échelons qu'il vient de monter, et presque aussitôt, la fenêtre s'en trouve avec précaution. Et Nicole se penche sur le mystère de la nuit. Rouletabille lui souffle. « Je ne vous vois plus. Pourquoi ? Il faut absolument que vous acceptiez l'invitation que vous fera Fräulein Hans de prendre part à son déjeuner de fiançailles. » Le reporter attend la réponse, mais quelque chose de nouveau a dû se produire dans la chambre, car la fenêtre s'est vivement refermée et la pâle apparition a disparu. Maintenant, c'est l'obscurité profonde, et de nouveau le murmure des voix de l'autre côté du mur. Certains mots arrivent même jusqu'à Rouletabille et excitent sa curiosité. Il monte sur le toit, se glisse le long de la gouttière et, arrivé à son extrémité, se penche. Sur le seuil de la demeure de Hans, une lueur venue de l'intérieur lui montre deux hommes qui bavardent en fumant la pipe. Il reconnaît le plus grand et le plus fort des deux, à son uniforme de majordome. C'est le gardien qui accompagne toujours Nicole dans ses sorties avec Elena. L'autre doit être le concierge. Rouletabille entend très nettement des bouts de phrases. Depuis mercredi, je peux rentrer coucher chez moi, c'est toujours ça. Ça dans le jour. Le service va recommencer à être aussi dur. Oui, on va sortir, on va se promener. Pareil qu'il faut se montrer mercredi. J'ai bien cru être débarrassé de tout. Oui, répondit l'autre. Nous avons tous cru que c'était fini ici. Eh ben là-bas, la princesse Botosani a dit elle sera morte demain. Et maintenant, elle va tout à fait mieux. C'est incroyable ce qu'il y a de ressort chez les jeunes femmes. Sans compter que lorsqu'ils veulent qu'elle se porte bien, ils ont dû lui coller un élixir pas banal. Donne-moi un peu de tabac, mon vieux, Franz. Que je fume une dernière pipe avant de rentrer à la maison. Rouletabille n'attendit pas davantage. Il connaissait maintenant la raison bien simple pour laquelle il n'avait pas revu Nicole. La fille de Fulbert avait été très malade après la scène de l'entrevue avec Serge Kanievski. Si malade qu'on avait dû la conduire tout de suite dans un hôpital, tout au moins dans une maison de secours, où la princesse Botosani, en ce moment, allait Sénarov avec Vladimir, avait eu l'occasion sans doute de lui donner quelques soins. Car en raison de son cosmopolitisme bien connu, cette charmante femme devait avoir autant de plaisir à revêtir le costume d'infirmière en Allemagne qu'à Paris. Maintenant, Nicole allait beaucoup mieux, ce qui n'avait rien d'étonnant, ses faiblesses étant le plus souvent le résultat d'un état moral qui pouvait se transformer jour au lendemain. Assez content de ce qu'il venait d'entendre, le reporter retourna à son échelle, la redescendit, constatait qu'il n'y avait plus aucune apparition à la fenêtre de Nicole et que la veilleuse de sa chambre n'avait pas été rallumée. Puis il se laissa glisser sur les montants et tomba dans les bras de la candeur qui lui dit « Oh, je ne vivais plus. Voilà deux fois qu'un grand diable de sergent-pompier passe par ici en me regardant drôlement. La seconde fois, il m'adressait la parole. Tu penses, si j'en menais large. Je ne savais pas ce qu'il me disait, moi. À tout hasard, j'ai répondu « Ah !» en me penchant dans ma boîte et en ayant l'air très occupé. Bah, que ça a collé, puisqu'il a continué sur son chemin en me jetant « Gutenacht !» auquel je n'ai même pas répondu, à cause de l'accent. Tu sais, je me méfie, hein, et il n'y a que « ya » que je sais en allemand, et que je dise bien. Le reste de la langue, vaut mieux de pas en parler. Et maintenant, filons. Oui, dit Rouletabille, en route. Nous n'avons plus rien à faire ici. Ils ramenèrent l'échelle à sa hauteur accoutumée, et partirent promptement poussant leur petit char. Il leur fallait à nouveau traverser des avenues très embarrassées et très fréquentées. Ils s'y jetèrent bravement, courant presque, comme s'ils avaient reçu l'ordre de se rendre plus tôt à un endroit où leur service était réclamé. Tout à coup, ils virent se dresser devant eux le grand diable à casquette rouge, le sergent-pompier dont venait de parler la candeur. « C'est lui, soupira la candeur, c'est encore lui. Ah, il va nous voir. » Rouletabille ralentit la marche et passa bravement sous le nez du terrible sous-off. Celui-ci s'adressa à la candeur, lui jeta d'une voix rude, dans son jargon de vieux rempilé. Ah, « Je t'ai déjà dit de mettre ta capote à l'ordonnance. Prends garde que j'ai à te le répéter. Si tu étais de ma section, t'aurais appris à me connaître, bougre d'entêté. »« Faut pas attention, grondit Rouletabille. Mon camarade, t'es un peu sourd, je vais lui parler. » Et il hâta le pas, prenant sur sa gauche une ruelle mi-obscure. Mais l'autre les suivait. « Qu'est-ce qu'il veut encore, l'animal ? Il me fait pour peur, celui-là, gémit la candeur. » Qui essaie de grosses gouttes. Qu'est-ce qu'il veut encore, l'animal ? Il me fait peur, celui-là, gémit la candeur, qui essuie de grosses gouttes de sueur sous son front. Et il ne nous lâche pas, tu sais. Enlève ta capote, fit rapidement Rouletabille. Il veut que tu mettes les manches. Bonsoir de bonsoir, mais je ne peux pas les mettre, les manches. T'arrêtes pas, mais t'arrêtes donc pas, fais semblant de les passer, il nous lâchera peut-être. La candeur enleva sa capote et essaya de passer une manche, toujours en marchant. Ah, je ne peux pas, c'est des manches pour une poupée. Sûr, t'aimerais bien avoir sa capote à lui. Elle mirait comme un gant, qui sait à la candeur qui commence à trembler. Sans compter qu'elle te fait un sergent du coup, ce qui n'est pas désagréable. Rigole pas, Rouletabille. Leve-la, je te dis qu'il va nous avoir. J'en ai une peur. Marche sans t'occuper de rien, en gardant maintenant ta capote sur l'épaule. Si tu as si peur que ça, tant mieux. Pourquoi donc ? Parce que quand il va être près de nous, tu vas te retourner tranquillement et tu lui donneras ton coup de poing de la peur. Comment comme au Turc, dans le château noir. Comme au Turc. Faut pas qu'il fasse ouf, tu sais, si tu le rates, je ne donne pas un phénix de notre peau à tous les deux. On ne sera plus jamais tranquille dans cette vallée de malheur, grogna encore la candeur, qui grelottait littéralement d'effroi. Mais Rouletabille vit avec plaisir qu'il se libérait le bras et le balançait déjà en fermant un poing des plus imposants. Or le Feldwebel fut dans le moment, sur eux, jurant et gesticulant. Il arriva à ce qu'il devait arriver. La candeur se retourna tranquillement, comme lui avait recommandé Rouletabille, leva le bras droit comme pour saluer, et soudain abattit sur le front du sous-off son coup de poing de la peur. L'autre ne poussa même pas un soupir. Il tomba foudroyé dans un ruisseau qui roulait des eaux noires tout le long du mur. Bonsoir et bonsoir, il va me saler ma belle capote, s'exclama la candeur en se précipitant sur le corps et en le tirant sur lui. Puis se tournant vers Rouletabille, crois-tu que j'ai bien tapé ? Demanda-t-il. Comme un sourd, répondit le reporter. Je l'avais averti. Mais il ne s'agit pas de faire de discours. Donne-moi ta capote et ta casquette que je vais mettre dans la voiture. Et passe vite ton habit. Mets sa casquette à lui. Te voilà maintenant beau comme un astre. Et je te dois obéissance. Et on lui fichera la paix maintenant que tu es gradé. Qu'est-ce que nous allons faire du corps ? Demanda la candeur. On ne peut pas le laisser là. Non, mets-le sur ton épaule, vite. Nous avons un pic et une pioche, on pourrait peut-être l'enterrer, émit la candeur en hissant le cadavre sur son dos avec l'aide de Rouletabille. Penses-tu, il faudrait peut-être aussi un monument avec une croix dessus ? Alors marche. À quelques pas de là, Rouletabille avait déjà vu que le ruisseau se jetait dans une grande piscine qui devait être des plus profondes, en juger d'après la quantité d'eau sale et fumante qui sortait des conduites de fonte, et se déversait dans cette sentine. La gueule énorme d'un égout reprenait cette onde malsaine pour la conduire on ne savait où, mais le fond même du bassin ne devait jamais être à sec, et le reporter avait tout de suite estimé que ce serait là une tombe admirable pour un corps qui devait disparaître sans laisser de traces. C'est avec peine que Rouletabille se sépara d'une des deux cordes à nœuds qui se trouvaient dans leur petite voiture. Mais cette corde leur était nécessaire pour attacher au cou et au pied du Feldwebel deux grosses pierres qui servaient de bornes à garantir l'entrée d'un hangar. Ils précipitèrent le sous-off après ficelage dans ce petit lac d'enfer et ne s'attardèrent point à contempler les ronds que la chute du corps ainsi lesté faisait dans l'eau bouillante. Quelques minutes plus tard, ils se retrouvaient à nouveau en plein incendie nocturne de la prodigieuse forge. « Qu'est-ce que nous figeons ici ?» demanda anxieusement la candeur, qui trouvait qu'on en avait eu assez d'aventure pour cette nuit-là. « Est-ce qu'on va pas bientôt rentrer ?»« Si on tarde, les deux bombiers vont sortir de chez la mère Kruffel en beuglant qu'on leur a volé leur fourbi. Penses-tu ? Ils croiront à une blague. Surtout quand ils ne verront plus leur petite voiture. Tu vas pas leur rendre ? Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Je ne vais pas la garder dans ma poche. Alors, quand nous aurons fini de nous en servir, nous la laisserons dans un coin quelconque où ils sauront bien la retrouver, c'est pas. Seulement, j'aime mieux te prévenir tout de suite, hein, qu'ils chercheront en vain les deux cordes à nœuds, l'échelle de cordes, le pic, la pioche et les deux haches. Et tu crois qu'ils vont pas gueuler ? Non, à cause des capotes et des casquettes disparues. Ils n'en diront pas un mot. Ils sont en faute, mon vieux. Et je te dis, moi, qu'ils penseront que leurs camarades jaloux de leur succès auprès de Fräulein Ida et de Fräulein Emma ont voulu leur faire une farce. N'aie pas peur, ils s'arrangeront comme ils pourront. Mais ils ne se plaindront pas. Enfin, ils feront ce qu'ils voudront. Ce n'est pas moi qui les leur rendrai, leurs capotes et leurs casquettes. T'as peut-être tort. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Elles sont si commodes pour la promenade. Ah ben, je vais dire une chose. C'est que je commence à l'avoir assez, moi, de me promener. Si on rentre à se coucher, c'est pas ton avis ? Ma foi, non, on est très bien ici. On va, on vient, on se balade partout, où l'on veut. On voit tout, on s'instruit. Tiens, regarde. Tu ne trouves pas ça épatant, le spectacle de la fonderie la nuit ? Tu l'as dit toi-même. C'est bon l'enfer. J'ai peur qu'il ne brûle. Mais Rouletabille, sans plus s'occuper de la méchante humeur de son compagnon, s'était mis à précipiter soudain sa marche de telle sorte que la grandeur qui poussait alors le petit char avait peine à le suivre. Donc, tu cours comme cela, gignait-il derrière lui. T'es pas un peu ma boule ? Tu vois pas qu'il y a un monde fou par là ? Qu'est-ce que c'est de tous ces gens-là ? Mon vieux, c'est plein d'officiers. Va pas par là, bonsoir, bonsoir. Ah, mon Dieu, mais je ne rêve pas, Rouletabille, Rouletabille, tiens, là, dans le groupe, derrière les officiers, mais c'est Vladimir. Eh bien, est-ce que je n'avais pas promis de te le faire voir ce soir ? Souffla Rouletabille, en s'arrêtant brusquement. Et maintenant, penche-toi à gauche. Regarde un peu, là, entre la grande rue et la locomotive. Où est cet homme debout à l'entrée de l'atelier ? Tu ne le connais pas ? Tu ne le reconnais pas ? Il est pourtant bien éclairé par la flamme qui sort des creusets. On le dirait dans le feu, oui, l'homme qui lève les bras et qui a l'air de commander au feu. Mais c'est l'empereur, murmura la candeur, avec un recul instinctif et terrifié. Il ajouta immédiatement, fichons le camp, au contraire du Rouletabille. Suivons-le.